Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Voilà, bonjour. Sur le programme aujourd'hui, c'est l'homme face à la mort, et puis on va arriver à la mort, mais comme le thème de l'amour, de l'amitié et la sexualité nous a pris pas mal de temps, je n'ai pas pu terminer tout ce que je voulais vous dire. Bon, de toute façon, il y aura matière pour tout un cours, hein, mais... quelques remarques encore sur une question quand même assez importante, sur l'histoire de David et Jonathan, hein, qui, dans la Bible hébraïque, quand même assez unique, et où on peut se poser la question, s'agit-il d'amour et d'amitié, ou des deux ? Je vous rappelle qu'en effet, on ne fait pas la différence en hébreu quand on dit « ahav », ça peut être « amour » ou « amitié », « ahava ». Et ce qui est très intéressant, si vous regardez les commentaires des théologiens, des exégètes, on vous dit toujours que cette relation n'a absolument rien à voir avec une relation érotique homosexuelle, pas du tout. Et quand vous regardez des reprises par des poètes, par des artistes, par des peintres, alors là, il y a toujours un élément quand même au moins érotique. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ces deux lectures, questions qu'on peut se poser ? Donc cette histoire de David et Jonathan fait partie d'un ensemble beaucoup plus grand qui est l'histoire qu'on appelle l'histoire de l'ascension de David, qui raconte comment David devient roi sur Juda puis sur Israël au détriment de Saül rejeté par Yahvé. Donc les chapitres qui nous intéressent, surtout les chapitres 18 à 20, le premier livre et le premier chapitre du deuxième livre de Samuel. Et dès le début, quand on présente les deux héros, on a tout de suite trois verbes ou trois fois une insistance sur une relation très profonde. Dès que David eut fini de parler à Saül, Jonathan s'attacha à David et l'aima comme lui-même. Alors Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Et il se dépouilla du manteau qu'il portait, le donna à David ainsi que ses habits et jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon. Donc il se met en fait tout nu devant David en lui remettant tous les insignes de sa royauté, de son pouvoir. Alors, comment faut-il comprendre cette insistance sur le fait que Jonathan aime David ? On peut d'abord remarquer que beaucoup des termes qui vont qualifier le lien entre David et Jonathan, vous pouvez en effet les comprendre sur plusieurs registres. D'abord, on a toujours insisté sur le fait que le verbe « aimer » en hébreu peut avoir une dimension politique. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit ? Tu aimeras le grand roi ou tu aimeras Yahvé ton Dieu comme toi-même. C'est le langage des traités de vassalité. Mais ce qui se passe ici, il y a un renversement par rapport à ces traités de vassalité, puisque dans la relation entre David et Jonathan, les rôles sont inversés. C'est Jonathan qui est le roi et c'est David qui est son serviteur, son suzerain. Donc normalement, ça devrait être dans l'autre sens. Mais ici, les rôles sont donc renversés. Et ce qui souligne d'emblée le caractère exceptionnel de cette alliance entre les deux. D'ailleurs, on va tout de suite avec l'expression que Jonathan aime David comme lui-même, qu'il y a une sorte presque de jeu d'identification, puisque, en effet, à deux reprises, Jonathan va prendre la place de David. Au chapitre 19, il va se tenir devant son père à la place de David pour défendre son ami. Et de nouveau, en chapitre 20, il se substitue à David, à Saül. C'est une erreur. Il se substitue à David face à la colère de Saül. En fait, l'histoire s'inscrit d'abord dans un conflit de loyauté, puisque, en effet, selon les critères du Proche-Orient ancien, Jonathan devrait avoir une double loyauté vis-à-vis de Saül. D'abord, il est son père. Alors ça, c'est quand même la loyauté la plus absolue, nous l'avons vu déjà. Et deuxièmement, il est le roi. Contrairement à toutes les conventions, il va en effet choisir d'abandonner son père et s'allier ou donner son amour à David. Pour cette raison, en fait, Saül veut faire mourir David, pas seulement à cause de cette relation avec Jonathan, mais surtout aussi parce qu'il a peur que David prendra sa place. Et on lit au chapitre 19, au verset 1, qu'au moment où Saül fait part de ce projet, Jonathan désirait beaucoup David. Alors bon, c'est pas comme ça que c'est traduit dans vos Bibles, hein, mais le verbe « chafetz » a toujours, quand il y a une relation entre deux hommes, ou deux, disons entre deux êtres humains, une connotation sexuelle. Donc il y a clairement ici quelque chose qui dépasse la simple amitié. Et au chapitre 20, en effet, on va voir que cela continue. David va avertir Jonathan que Saül cherche de nouveau à le tuer, et de nouveau les deux concluent une alliance avec les expressions tout à fait comparables. Jonathan fit encore prêter serment à David au nom de son amour, car il l'aimait comme lui-même. On revient là-dessus. Donc, les deux vont en effet élaborer une stratégie. Si vous connaissez l'histoire, vous savez comment ça se passe. Autrement, je vous invite à relire ces chapitres du Livre des Rois. Hein. Donc, David ne va pas se présenter devant Saül, parce que le projet de Saül, c'est de le faire tuer lors d'un repas en commun. Et il prétexte donc une obligation familiale. Alors, lorsque Saül se rend compte du projet et de la protection de David par Jonathan, il s'exclame, fils d'une dévoyée, donc en disant à Jonathan, je sais bien que tu as choisi le fils de Jessé, donc c'est le père de David, à ta honte et à la honte du sexe de ta mère. C'est une insulte assez importante. La Septante traduit pour la honte de ta mère dévoilant sa nudité. Puisque nous avons vu en Lévitique 18 ce mot « ervat » qui désigne l'organe sexuel est aussi un euphémisme pour avoir, en effet, des rapports sexuels avec quelqu'un. Donc, probablement, on ne peut comprendre autrement cette insulte de Saül qui mentionne les organes sexuels de la mère de Jonathan comme impliquant une relation sexuelle de David et Jonathan, au moins dans l'idée de Saül, puisque dévoiler la nudité de quelqu'un, vous avez vu au Lévitique 18, c'est tous des relations sexuelles interdites. Et puis suivent les adieux, aussi avec une scène assez émotionnel, les deux s'embrassèrent et pleuraient ensemble jusqu'à ce que la fin de l'histoire, disons la fin de ce verset est compliquée, jusqu'à David eut pris le dessus, difficile à traduire, je ne vais pas aller dans toutes les discussions, mais certains on y voit aussi de nouveau, en effet, une allusion sexuelle, même assez crue. Bon. Et vient à la fin l'élégie, lorsque Saül et Jonathan sont tués dans la guerre contre les Philistins. Que de peine j'ai pour toi, Jonathan, mon frère. Je t'aimais tant, ton amour était pour moi une merveille, plus belle que l'amour des femmes. Alors souvent dans vos traductions, vous avez ton amitié était pour moi une chose plus belle que l'amour des femmes. Mais en fait, en hébreu, c'est exactement le même mot, n'est-ce pas ? Il faudrait traduire donc quand même de la même manière. Voilà le dossier. Voilà, c'est le récit ne dit jamais clairement que les deux, alors pour parler crûment, pour que les deux aient couché ensemble, il y a néanmoins des allusions de type érotique, puisque des nombreux termes qui sont utilisés pour décrire la relation entre les deux amis peuvent se comprendre tout à fait dans ce sens-là. Et cela peut d'ailleurs se renforcer lorsque on reconnaît que cette histoire est clairement influencée par l'histoire de Gilgamesh et Enkidu que nous avons déjà regardée ensemble. Et Il y a une comparaison très, très bien faite entre les deux par Susan Ackerman, qui s'appelle « When Heroes Love, quand des héros s'aiment », où elle parle de liminalité, c'est-à-dire en fait où elle met en avant cette idée que ces couples héroïques masculins se trouvent un peu dans les limites de ce qui est toléré dans une société, mais puisque en effet, ce sont en effet des sentiments qui existent, ben, on arrive à les faire passer par ces stratégies-là, en jouant souvent sur plusieurs tableaux. Ce qui est clair, que et nous n'allons pas revenir en détail, puisqu'il nous va falloir parler de la mort tout à l'heure, Gilgamesh et Enkidu et David et Jonathan sont clairement deux récits qu'on peut comparer, hein, même s'il y a beaucoup des différences. Mais ce qui est très clair, c'est que, en effet, les auteurs bibliques qui ont rédigé l'histoire de la relation ou de l'amitié ou de l'amour entre David et Jonathan connaissaient tout à fait l'histoire de Gilgamesh et Enkidu. Là, je suis convaincu, nous avons vu que cette histoire de Gilgamesh, elle était tellement répandue dans tout le Proche-Orient ancien que c'est presque impossible d'imaginer qu'un scribe à la cour de Jérusalem n'ait pas eu connaissance de cette histoire. Et par exemple, on peut imaginer aussi que l'histoire de l'exploit de David contre Goliath est un peu aussi à comparer avec l'exploit de Gilgamesh contre Humbaba, etc. Évidemment, il y a un retournement, puisque contrairement à l'épopée de Gilgamesh, l'amitié entre David et Jonathan provoque un changement de statut. Gilgamesh reste tout le temps le roi, hein, Enkidu bah, son ami, alors que dans l'histoire de David et Jonathan, c'est le contraire. David, le berger, hein, devient roi alors que Jonathan, le futur roi, doit mourir. Donc c'est juste un peu en miroir si vous comparez les deux histoires. Mais dans les deux cas, il s'agit en effet d'une relation qui lie un roi ou un héritier du trône à un ami unique et une amitié qui ne se distingue pas vraiment de l'amour. Comme pour David et Jonathan, l'histoire de Gilgamesh et Enkidu est aussi, nous l'avons vu, une histoire d'une relation exclusive et complexe, incluant tous les domaines, en effet, d'une relation, fraternité, amitié, amour, mais aussi érotisme, comme j'ai le souligné déjà pour Gilgamesh. La qualification ou la question de savoir s'agit-il d'une relation homosexuelle est tout simplement anachronique. Hein ? Donc, peu importe en quel sens on veut utiliser, il y a beaucoup de mouvements gays, lesbiens qui veulent faire de David et Jonathan ou de Gilgamesh et Enkidu le premier couple gay de l'histoire. On peut avoir sympathie pour cela, mais évidemment, c'est une lecture qui ne tient pas compte du contexte, n'est-ce pas ? Ce qu'on appelle aujourd'hui une relation homosexuelle est simplement impensable dans l'Antiquité. Ça ne veut pas dire que des hommes et des femmes ne couchent pas ensemble, mais cette idée d'une relation exclusive en dehors d'un mariage hétérosexuel, etc., dans l'Antiquité, on ne peut pas imaginer cela. Par contre, on voit très bien que les deux relations de Gilgamesh et Enkidu et de David et Jonathan sont tout à fait empreintes de tendresse, des manifestations d'émotion qui souvent sont traditionnellement dites réservées aux femmes. Donc là, on n'a pas peur d'aller jusqu'à là, mais faisons attention de ne pas faire trop d'anachronisme. Et c'est ce que j'aimerais dire juste en conclusion sur notre sujet de l'amitié et de l'amour. Nous avons vu dans notre parcours l'importance de la sexualité qui dépasse de loin la question de la descendance. Je vous rappelle ce qu'on a vu dans le Cantique des Cantiques, mais aussi le fait que l'amour et la sexualité ont pour les anciens une dimension tout à fait divine ou spirituelle. Ça, c'est très important. Les dieux sont toujours mêlés d'une manière ou d'une autre. Même dans le Cantique de Cantiques, j'ai essayé de vous le montrer. Bien sûr, il y a aussi des textes qui, malheureusement, ont fait grande carrière ensuite dans l'histoire du christianisme, comme le Code de sainteté ou d'autres, qui veulent limiter la sexualité à la procréation. Mais d'autres textes et traditions, justement, montrent qu'elle est plus, beaucoup plus englobante. Donc, et pour terminer vraiment, c'est impossible d'utiliser les textes bibliques dans le débat contemporain autour de l'élargissement du concept de mariage ou que sais-je encore, puisque textes de la Bible hébraïque, en fait, reflètent une société qui n'est pas du tout le nôtre, avec des concepts du masculin et du féminin qu'on ne peut pas simplement reproduire aujourd'hui. Puisque si on voulait faire de ces textes bibliques une sorte de texte de recette pour le débat actuel, ben, il faudrait d'abord réintroduire l'esclavage, réintroduire la peine de mort, réintroduire, mais de manière massive, l'inégalité homme-femme. Donc je pense qu'on va plutôt s'abstenir de cela. Mais abstenons-nous aussi, donc du coup, de faire des anachronismes, comme on le voit, malheureusement, dans tous les sens. Voilà. Alors, après cela, on passe à ces freudiens de l'amour à la mort. Donc, l'homme face à la mort, c'est le sujet d'aujourd'hui qu'on va poursuivre la semaine prochaine avec la question aussi de l'après, après la mort, et aussi la question de la mort collective, est-ce que notre monde a une fin, etc. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser d'abord de la question de l'homme, de l'être humain face à la mort. Et j'aimerais commencer par une citation d'un égyptologue, Yann Assmann, que vous connaissez peut-être, qui a constaté, et je crois qu'il a tout à fait raison, qui dit que « Der Tod, oder besser das Wissen um unsere Sterblichkeit, ist ein Kulturgenerator ersten Ranges. » C'est-à-dire, la mort, la conscience qu'on est mortel, est un générateur de civilisation de tout premier ordre. Il dit même un peu plus loin, la mort, c'est l'origine de la civilisation. Puisqu'en effet, on sait, dès qu'il y a des humains, il y a des pratiques de funérailles, il y a des réflexions autour de la mort qui provoquaient les arts, les sciences, etc. La médecine, pourquoi est-ce qu'on a besoin de la médecine? Pour justement repousser la mort, etc. Donc je pense que c'est tout à fait juste. Et nous avons vu déjà, c'est un petit rappel, que dans les civilisations du Proche-Orient ancien, mais pas seulement dans ces civilisations-là, la mort est justement ce qu'est le destin de l'homme. En quoi l'homme se distingue des dieux? C'est la mort. Vous vous souvenez ce qu'on avait vu dans l'épopée de Gilgamesh, ce que Siduri, peut-être Ishtar déguisé, avait dit à Gilgamesh lorsque les dieux ont créé l'humanité, ils ont attribué la mort à l'humanité. Et la vie, ils l'ont gardée pour eux-mêmes. Ou un peu plus loin, Utnapishtim, le Noé de l'épopée de Gilgamesh, parle, comme certains textes bibliques, en disant l'être humain, il est fauché comme un roseau, quel qu'il soit. Le beau jeune homme, la belle jeune fille, la mort les emporte alors qu'ils fleurissent encore. Les Anouki, donc les grands dieux, se trouvaient en assemblée et la créatrice du destin fit un décret. Donc les dieux ont établi la mort et la vie. Mais le jour de la mort, il ne le révèle pas. Ben, heureusement, d'ailleurs, on pourrait dire. Mais donc, de nouveau, cette idée, en fait, que la mort est vraiment ce que les dieux ont réservé à l'homme. Même chose, je vous rappelle, pour le récit de la Genèse. « Voici, l'homme est devenu comme un de nous, dit Yahvé, par la connaissance du bonheur ou malheur, de ce qui est bien ou ce qui est mal, maintenant qu'il ne tend pas la main pour prendre aussi de l'arbre de vie et vivre à jamais. » Donc, il faut empêcher, dans la Genèse, l'homme d'accéder à l'arbre de vie, à l'immortalité. Donc, la mort comme destin de l'homme, ça n'exclut pas, et ça c'est intéressant aussi après quand on voit les reprises de ce thème dans le christianisme naissant, et pas seulement, ça n'empêche pas que les dieux aussi peuvent mourir. Vous vous souvenez, je vous ai donné déjà quelques exemples comment les dieux meurent. Dans Enuma Elish et Atrahasis, on tue un dieu pour mélanger son sang avec de l'argile et pour fabriquer avec ce mélange l'être humain, pour dire que voilà, il y a du sang divin dans l'homme. Mais il y a aussi la descente d'Ishtar ou d'Inanna aux enfers, nous l'avons vu aussi, hein, où, en effet, Ishtar, quand elle est prisonnière de sa sœur Ereshkigal, en fait, elle est considérée sur la Terre comme étant morte. Hein, souvenez-vous, il n'y a plus de sexualité, plus de procréation, plus rien. Et idem, dans le mythe le plus populaire d'Ougarit, Baal et la mort, où le grand dieu Baal Dieu de la fertilité, de l'orage, de la puissance, devient également prisonnier, où on est dit Baal est mort. Baal est mort, c'est presque une sorte de cri liturgique, hein, et c'est seulement grâce à l'intervention de sa sœur, sa parèdre, Anat, qu'il puisse revenir à la vie. Donc les dieux peuvent aussi mourir, certains en ressuscitent. Alors, que disent les textes sur la mort comme destin de l'homme? L'idée est que l'homme doit retourner à la terre, comme le dit le texte de nouveau de la Genèse, puisque donc c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été pris. Tu es poussière, afar, et tu retourneras à la poussière. Et un texte beaucoup plus explicite dans la Bible, qui est peut-être un peu moins connu, mais que j'aimerais vous présenter, c'est le psaume 90. Le psaume 90, qui en effet commence par dire que Yahvé est là avant la création du monde, puisqu'on a vu ce verset déjà, avant que les montagnes naissent et que tu enfantes, là, Yahvé enfante en fait la terre, depuis toujours, toujours tu es Dieu, mais il ici, tu fais retourner l'homme, Enoch, à la poussière, tu as dit, fils d'Adam, retournez-y. 8000 ans à tes yeux sont comme un jour, comme hier ils sont bas, comme une veille de nuit. Tu le balais à sommeil qui au matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin puis elle passe, on la coupe le soir et elle est sèche. Oui, nous avons été achevés par ta colère, épouvantés par ta fureur. Tu as mis nos fautes devant toi, nos secrets à la lumière de ta face. Oui, nos jours déclinent devant ta fureur. Nous achevons nos années comme un soupir. La durée de nos jours est 70 ans. Pour les robustes, 80. Et son agitation n'est que peine et misère, c'est vite passé et nous nous envelons. Qui peut connaître la force de ta colère et ton courroux pour le craindre? Alors apprends-nous à compter nos jours pour que nous obtenions la sagesse du cœur. Voilà un psaume qui réfléchit sur la durée très courte, sur la durée éphémère de la vie humaine. Un psaume qui s'est à l'origine arrêté ici, puisqu'il continue maintenant dans les versets 13 et 17, mais qui sont clairement un ajout. Donc c'est un psaume qui d'abord se terminait au verset 12 avec cette demande de trouver la sagesse pour comprendre sa vie. Un psaume sans doute écrit au 5e, 4e siècle, à l'époque perse certainement, comme on peut le voir déjà dans la proximité avec Job, mais aussi avec Coëlette. On peut se poser la question, s'il n'y a pas une allusion à la Genèse, n'est-ce pas, puisque tu fais retourner les fils d'Adam à la poussière, avec une différence que dans le psaume 90, pour poussière, on trouve non pas afar comme en Genèse, mais un mot qui est dakar, qui est beaucoup plus violente. Dakar, c'est la poussière qu'on obtient en broyant quelque chose, en cassant quelque chose, donc c'est broyé. Donc c'est beaucoup plus violent, et on voit aussi qu'ici, la mort est clairement mise en relation avec la colère divine. Donc la mort est vue, d'une certaine manière, quand même comme la manifestation de la colère. Pour quelle raison? On ne le dit pas trop, on parle des nombreuses fautes que Yahvé, d'une certaine manière, va sanctionner, et on peut dire qu'il y a une vision assez pessimiste de la vie, qui est sous la colère divine. C'est lié sans doute aussi à une idée très, très répandue jusqu'à aujourd'hui, à savoir que quand ça va mal, c'est qu'on est puni par les dieux. Dès que vous êtes malade, dans l'Antiquité, il y a une divinité ou un démon qui est derrière, qu'il faut essayer de trouver des moyens pour vous en sortir. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la durée de vie est donnée ici entre 70 et 80 ans. C'est déjà pas mal. On dit souvent que la durée moyenne de la vie au troisième millénaire en Égypte, on dit souvent 20 à 25 ans. Dans l'Antiquité, premier millénaire, 35-40 ans. Mais ces calculs sont très compliqués. Et évidemment, comme ils incluent dans la moyenne aussi la très haute mortalité des enfants nouveau-nés ou morts-nés, évidemment, il faut un peu relativiser. Donc, on ne sait pas très bien. Mais apparemment, il y a quand même des gens qui arrivent à cet âge-là, aussi dans d'autres contextes culturels, puisque Confucius, par exemple, là, vous demandez des détails à Han Cheng, il dit qu'il faut se retirer des affaires à 70 ans, comme au Collège de France. Donc c'est déjà... Et puis, il semble que Bouddha, ou ce qu'on lui attribue, Bouddha aurait dit que la vie humaine sera limitée à 100 ans. 100 ans, c'est d'ailleurs un chiffre que vous trouvez aussi dans le Siracide. Le Siracide étant un livre qui ne figure pas dans la Bible hébraïque, mais dans la Bible grecque, qui est devenue la Bible chrétienne ou catholique, où il dit « Qu'est-ce que l'homme ? À quoi sert-il ? Que signifie le bien ou le mal qu'il fait ? Le nombre de ses jours est grand s'il atteint 100 ans. » En effet, ça c'est grand, je pense, à l'époque. En Égypte, on a l'idée que la limite maximale est de 110 ans. C'est dans l'enseignement de Ptahoptep, donc un texte pseudépigraphe beaucoup plus récent que ce sage du IIIe millénaire. J'ai obtenu 110 ans de vie qu'a m'a accordé le roi. Et pensez à l'histoire de Joseph en Égypte, justement en Égypte, qui meurt exactement au même âge de 110 ans, qui connaît certainement, ou l'auteur de l'histoire de Joseph connaît certainement cette tradition que 110 ans, c'est un âge exceptionnel que le Dieu accorde à des hommes méritants. Et dans la Bible, l'âge limite, c'est quoi ? Ah, je crois que j'ai entendu. 120 ans. En Genèse 6, 3, juste avant le déluge, Yahvé dit « Mon esprit ne restera pas dans l'homme pour toujours ». D'ailleurs, il est cher, et donc ses jours seront de 120 ans. Évidemment, là, on introduit une coupure avec des durées d'éveil totalement extravagantes avant le déluge, n'est-ce pas, les Mathusalem et d'autres, hein, qui correspond aussi évidemment à ces rois mésopotamiens qui ont vécu aussi des centaines et des centaines d'années, pour dire après le déluge, on arrive un peu à la normalité. Et évidemment, il n'y a qu'une seule personne dans la Bible dont on dira qu'elle est morte à 120 ans, ben c'est Moïse. Hein ? Moïse avait 120 ans quand il mourut. Son œil ne s'était pas affaibli et sa vigueur ne l'avait pas quitté, n'avait pas disparu. Hein ? Donc, Moïse va accomplir ses 120 ans, mais tout en restant en pleine forme. Ce qui aussi est sans doute un peu une autre perspective qu'on peut voir dans des textes que j'aimerais brièvement maintenant vous présenter. C'est intéressant d'ailleurs aussi que le psaume 90 que je viens de vous présenter, que plus tard, en donnant des titres au psaume, on a attribué ce psaume 90 à Moïse, justement. Cette réflexion sur la mort, mais à un homme qui... ne se plaint pas et qui, en fait, est en plein forme. Par contre, il y a des textes qui nous confrontent à une expérience que nous ferons tous de la difficulté de la vieillesse, n'est-ce pas ? Comme de nouveau Ptahotep, dont je vous ai déjà parlé, le grand âge est venu, la vieillesse est tombée, la déchéance est là. Ce que fait la vieillesse aux hommes, du mal en toutes choses. Donc là, il y a une vision moins idyllique de la vieillesse qu'on trouve dans la Bible, dans le livre de l'Ecclésiaste ou du Coëlette, au chapitre 12, juste avant la fin, où il est dit, et c'est assez proche en fait du psaume 90, n'est-ce pas, où il est dit « Souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ton adolescence, avant que ne viennent les mauvais jours, et après, de manière métaphorique, on décrit tout ce qui ne marche plus, hein, avant que ne s'assombrissent le soleil et la lumière, et la lune et les étoiles, au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où s'arrêtent celles qui meulent, sans doute les yeux, les oreilles, les dents, hein, trop peu nombreuses, etc. Donc voilà, on perd tous ces facultés, et puis alors l'homme s'en va vers sa maison d'éternité, et que déjà les pleureuses rôdent dans la rue. Avant que la poussière, ça on retrouve en Genèse 3, avant que la poussière affare ne retourne à la terre selon ce qu'elle était et que le souffle rouar ne retourne à Ha-Elohim, au Dieu, à la divinité qui l'a donné. Et ça nous amène en fait à Une autre remarque qui va aussi un peu corriger certaines affirmations parfois trop théologiques. On dit souvent que dans l'Ancien Testament, après la mort, il n'y a plus rien. Une fois on est mort, on est mort. Et après, on espère peut-être qu'on ressuscite, mais on est mort, on est mort. Et ce n'est pas vrai. La Bible hébraïque partage, et nous allons le voir plus en détail, cette idée qu'il y a quelque chose qui continue après la mort, puisque, vous voyez, on parle ici de la maison d'éternité. Qu'est-ce que c'est cette maison d'éternité dont parle Coëlette ? On va y revenir. Mais auparavant, deux manières pour comprendre la mort. La mort peut être vécue, alors grâce, c'est peut-être pas le bon terme, mais comme une chose dans l'ordre des choses, normale, ou comme une punition. Si vous prenez l'histoire d'Abraham, Abraham, en effet, expira et mourut après une heureuse vieillesse, ou dans une heureuse vieillesse, âgé et rempli de jours. Il fut rassemblé à son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans sa caverne de Macpéla. Donc, la mort d'Abraham, c'est une mort, presque, je dirais, oui, de grâce divine. Il est rempli, comblé de jours. Il voit sa descendance se retrouve, et il est rassemblé à son peuple ou à sa parenté. Qu'est-ce que c'est rassemblé à sa parenté ? Il ne peut pas être rassemblé à sa parenté dans un sens premier, puisqu'il a quitté sa famille. Donc, ici, la parenté doit être autre chose. La parenté, ça va être sous la terre, donc tous les ancêtres qui l'ont précédé. Et puis, par contre, le contraire d'une bonne mort, c'est la mort prématurée. La mort d'un fils jeune, d'un enfant nouveau-né. Pensez par exemple à Job, qui doit voir comment tous ses enfants sont tués par cette maison qui s'effondre grâce ou à cause d'une tempête de Elohim, ou encore la mort du fils de Jéroboam, ou encore le premier fils que David a avec Bathsheba. Donc ça, évidemment, ça c'est une malédiction, comme le dit aussi le texte nouveau de Coëlette. Ne sois pas trop méchant et ne deviens pas insensé. Pourquoi mourir avant ton temps ? Donc là, on voit très bien que quand on meurt jeune, c'est considéré comme une malédiction, comme une punition. Mais puisque tout le monde va mourir, la seule manière d'obtenir la pérennité sur la terre, c'est la descendance. On a déjà parlé, donc je ne vais pas aller dans le détail, l'importance d'avoir des fils, problème de la stérilité, et puis des stratégies pour s'assurer d'une descendance, dont je vous ai parlé la semaine dernière, notamment avec la loi du Lévirat, donc où le frère épouse la veuve d'un frère défunt pour justement lui donner post-mortem une descendance. Dans ce contexte-là, il est intéressant aussi de regarder le texte d'Ougarit. Nous avons un mythe qui est celui de Danilou, donc c'est comme Daniel, Danilou. C'est aussi un peu comme un des patriarches, un roi qui n'a pas de descendants, et qui est désespéré. Finalement, c'est très dramatique. C'est un peu comme Abraham. Après, il va avoir un fils, ce fils va mourir, etc. Bon, ce que j'aimerais juste vous montrer, c'est que dans ce texte de Danilou, nous avons répété trois fois une sorte de catalogue des devoirs d'un fils vis-à-vis de son père. Un fils qui érigera la stèle du Dieu du Père dans le sanctuaire, le monument de son clan, qui fait sortir de la terre sa fumée et de la poussière un gardien de son sanctuaire, qui clouera la mâchoire de ses contempteurs, chassera celui qui a assombri sa mine, qui prendra sa main dans l'ivresse, le protégera quand il sera grisé par le vin, qui mangera sa portion dans le temple de Baal et sa part dans le temple de El, qui crépira son toit quand il sera sali, laverait son habit quand il sera souillé. Voilà les devoirs d'un fils vis-à-vis du père. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez deux parties. La première partie, c'est les devoirs du fils vis-à-vis du père défunt. ériger sa stèle, s'occuper de son culte. Et c'est seulement ensuite qu'on parle du père vivant, où on se rend compte que l'alcool était déjà en fait un problème certain. Donc, ces textes nous montrent très clairement que Israël et Juda ont connu, comme les voisins à Ougarit et ailleurs, des cultes des ancêtres morts. Ça, on va le voir dans le détail. Il n'est pas possible de ne pas imaginer qu'il y a des contacts avec les défunts, puisque la mort n'est pas considérée, contrairement à ce qu'on dit dans certains livres, la mort n'est pas comprise comme une fin absolue. Après la mort, c'est pas très réjouissant, mais on ne cesse pas de vivre, on mène une sorte d'existence diminuée sous la terre, sorte un peu d'existence de fantôme. Dans la Bible, on appelle ces gens souvent les Réphaïm. À Ougarit, c'est les Rapiouama, c'est donc la même racine. Une racine qui veut dire à l'origine guérir. Donc ce sont des guérisseurs qui apparemment ont des possibilités. Après, la vocalisation hébreu a plutôt voulu faire un lien avec les faibles, hein, puisque Rapha avec un He à la fin veut dire être faible, et Rapha avec un Aleph veut dire guérir. À l'origine, ce sont les guérisseurs, on va voir. Et alors, quand on meurt, on va où ? On va en Sheol. On va en Sheol. C'est un terme qu'on trouve surtout dans la Bible, après aussi dans des langues mais plus récentes. Et on a une attestation d'Éléphantine, donc de la communauté judéenne, où apparemment il y a déjà une idée que peut-être on n'a pas besoin de descendre dans le Sheol. Tes os ne descendront pas dans Sheol. Alors la question de l'étymologie, qu'est-ce que veut dire le mot Sheol ? Toutes sortes d'hypothèses. Il y a ceux qui font un lien avec une racine sha'al, sha'al qui veut dire demander, interroger. Alors ils pensent que c'est un lieu où on peut interroger les morts. Ou c'est un... laissons ça comme ça. Autre racine, sha'a, qui exprimerait l'idée du désert combinée avec El, donc Dieu, sorte de désert de Dieu, comme Carmel, c'est le vigne de El. Sha'el, ce serait un peu le lieu désert, lieu chaotique de El, mais on ne va pas très bien par rapport au fonctionnement de l'ensemble. Plus extravagant encore l'idée qu'on aurait là un « che » qui serait un relatif et un « al » qui serait une négation, qui voudrait dire l'endroit du rien, « Ort der Nichtigkeit ». Je pense qu'il n'y a que les Allemands pour inventer des choses comme ça. Ça, je ne pensais pas très, très convaincant. Par contre, ce qui, à mon avis, beaucoup plus important d'abord, c'est de se rendre compte qu'il s'agit d'un nom propre, puisque dans la Bible, il n'y a jamais l'article. C'est toujours traité comme un nom propre, Sheol. On ne dit pas le Sheol, on dit toujours Sheol, hein, comme un nom propre. Et il existe... en Mésopotamie et probablement plus encore en Syrie, une déesse Shuvala qui semble être en effet une divinité des enfers, attestée à Ur déjà, et après dans un texte d'Ougarit, dans un texte Ourite d'Ougarit, dans plusieurs textes hittites en Anatolie, à Emar également. Je pense que Sheol, à l'origine, c'est une divinité des enfers, qui a donné après simplement le nom aux enfers. Comme la même chose vous avez à Ougarit, où Motu, qui est le chef des enfers, Motu, après ça devient aussi le terme pour dire la mort, Motu. Donc, tout à fait comparable, Sheol, divinité des enfers, ensuite simplement un nom pour dire les enfers. Alors, Sheol, ça se trouve où ? Tout en bas. Hein, donc, on imagine en fait probablement la vie en Sheol un peu comme le cadavre qui se trouve dans son caveau, n'est-ce pas ? Un endroit pas très agréable, froid, sombre, humide, triste. Et comme d'après la conception du monde, ça c'est très schématique, mais il y a la Terre au milieu, des eaux au-dessus et en dessous, et Sheol tout en bas. Donc, apparemment, le Sheol se situe sous l'océan souterrain, donc il faut en effet descendre, traverser l'eau, d'où aussi une expression parallèle pour parler des enfers. On utilise le terme la fosse, bor, qui est aussi la citerne, et on descend dans la fosse, ceux qui descendent dans la fosse. On parle aussi du pays souterrain, le pays de l'obscurité. On imagine le Sheol comme un lieu sans retour possible. C'est un lieu de ténèbres, de silence, donc où la nefesh, l'âme, le principe vital qui survit après la mort, la nefesh. Donc là aussi, on ne peut pas dire que l'idée d'une séparation entre âme et corps serait simplement une invention grecque, comme on le lit parfois dans certains textes, non ? Il y a déjà là cette idée que la nefesh, après, elle vit de manière peu enviable, mais elle vit en Sheol. Dans l'épopée de Gilgamesh, on trouve une conception tout à fait comparable. On ne parle pas de Sheol, mais on parle de la maison de la poussière. La maison de la poussière, et on dit la maison que ceux qui entrent ne pourront plus quitter. Sur un chemin dont le parcours est sans retour, la demeure dont les habitants sont privés de lumière, dont la ration est la poussière, dont le pain est de l'argile. Ils sont vêtus comme les oiseaux, d'un vêtement de plumes. Ils ne peuvent voir la lumière et habitent dans les ténèbres. Dans le psaume 90, on avait vu qu'on disait « La vie est vite terminée et nous nous envolons, envolons. » Et puis ici, on voit un peu que la nefesh, apparemment, c'est comme un petit oiseau qui s'envole. Bon, je ne sais pas si c'est la même image, mais voilà l'idée du Sheol où tout le monde doit descendre, comme le dit le psaume 89. Tu as créé l'homme pour une fin si dérisoire, quel homme vivre sans voir la mort, échappant au pouvoir de Sheol. Il n'y a pas de doctrine cohérente comment ça se passe exactement dans Sheol. Il y a ceux qui pensent, ou des textes qui pensent, qu'on garde un peu son statut qu'on avait avant la mort. En Ésaïe 14, on rapporte de manière ironique la descente du roi de Babylone aux enfers, n'est-ce pas, où on dit tous les autres dieux, tous les autres rois qui y sont, on les réveille, donc tous disent, toi aussi, te voilà désormais sans force, comme nous, tu es devenu semblable à nous, ta majesté a dû descendre dans Sheol au son de tes arbres, sous toi un matelas de vermine et les vers sont ta couverture. Donc, apparemment, quand même, les rois restent rois, même s'ils n'ont plus tellement de pouvoir, ils restent quand même rois. Et à cela correspond aussi un texte ougaritique où nous avons même un rituel d'enterrement pour un roi qu'on enterre, en fait, avec tous les insignes de son pouvoir, donc avec le trône, avec le manteau, et ainsi de suite. On peut aussi citer un texte néo-assyrien, La vision des enfers d'un prince assyrien, ça c'est très intéressant aussi, un texte un peu obscur, peu connu, où on a une vision des enfers, c'est un prince probablement Assurbanipal, qui a une vision des enfers où il y a toutes sortes de figures pas très agréables, des démons qui harcèlent ceux qui sont là-bas, c'est sombre, etc. Mais il a quand même aussi la vision de son père qui demeure roi aussi aux enfers. Par contre, il y a des textes qui disent qu'il n'y a plus de distinction d'ordre social. Par exemple, dans le livre de Job, « Petit et grand, c'est tout un, et l'esclave y est affranchi de son maître. » Donc, voilà. Ou encore, « Ne crains pas quand un homme s'enrichit et quand sa gloire et quand la gloire de sa maison grandit, car en mourant, il n'emporte rien, et sa gloire ne descend pas avec lui. » Donc là, on a l'idée, en effet, quand on descend au Sheol, on est tous pareils. Quelle est la relation entre Yahvé et Sheol ? D'abord, il faut dire qu'en Mésopotamie, dans le Levant aussi, les dieux des enfers sont des dieux puissants. Ils ont leur domaine et normalement, personne n'y interfère. Ou quand d'autres interfèrent, c'est toujours très compliqué, quand l'histoire de la descente d'Ishtar, où finalement, quand même, grâce à Ea, on arrive à la faire remonter, mais c'est exceptionnel. Donc, le dieu ou la divinité ou les divinités des enfers règnent sur les morts et puis les autres dieux n'ont rien à y faire. Et cette idée, apparemment aussi, était partagée, en effet, dans les textes, dans certains textes bibliques. Par exemple, dans le psaume 30, le psaume 30 est un psaume qui présuppose que celui qui le prononce était malade et a été guéri. Et la maladie étant, comme je l'ai déjà dit, comprise un peu comme une sorte d'antichambre de la mort. Alors il dit, « Yahvé, mon Dieu, je t'ai appelé au secours, tu m'as guéri, tu m'as fait remonter de Sheol, tu m'as fait vivre parmi ceux qui descendent dans la fosse. » C'est-à-dire, la guérison est comprise comme on est remonté, on était déjà en train de descendre, et puis on est remonté. Et puis, quelques versets plus loin, le psalmiste indique comment il a réussi, en fait, à convaincre Yahvé. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? « Yahvé, je fais appel à toi, j'ai supplié le Seigneur, que gagnes-tu à mon sang et à ma descente dans la fosse ? La poussière peut-elle te rendre grâce ? Proclame-t-elle ta loyauté ?» Donc ça veut dire, une fois qu'on est aux enfers, on ne peut plus rendre un culte à Yahvé, puisqu'on est sujet du Dieu des enfers. Et le psaume 6 dit exactement la même chose. Ne me châtie pas dans ta colère, de nouveau l'idée que la maladie est un châtiment, car dans la mort, on n'évoque pas ton nom, dans Sheol, qui te célébrera. Une fois on est au Sheol, il n'y a rien à faire. Cette puissance de la divinité Sheol se retrouve dans d'autres textes, comme par exemple en Ésaïe 28, où en fait, un oracle est adressé à des hauts fonctionnaires de Jérusalem. Écoutez donc la parole de Yahvé, vous, les railleurs qui gouvernez ce peuple à Jérusalem, vous dites, nous avons conclu une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec Sheol. Le fléau déchaîné, quand il passera, ne nous atteindra pas. Donc ça veut dire qu'apparemment, bon, on ne sait pas très bien à quoi ça fait allusion, peut-être au trouble lors du siège de Jérusalem, en 700, vous vous souvenez peut-être, en 700, Jérusalem était assaillie par les Assyriens, et apparemment, il y avait des gens qui ont dit « vaut mieux se fier à Sheol qu'à Yahvé ». Et donc, on a cet oracle, « vous avez fait une alliance avec Sheol ». Donc là aussi, une manière pour montrer, pour vous montrer la puissance qu'on attribuait à cette divinité des enfers. Petit à petit, cette conception va changer. Peut-être sous le roi Josias, qui, selon 2 rois 23, aura mis fin à tous ces cultes liés aux morts, bien que ce soit un texte plus récent. Mais on voit en effet qu'il y a des psaumes où, petit à petit, cette relation entre Yahvé et Sheol va changer. Prenez, par exemple, le psaume 80, où on voit très bien la transition. On n'est pas encore arrivé à l'idée que Yahvé maîtrise toute la situation, mais il y a déjà un changement. D'abord, on dit « Tu m'as déposé dans la fosse la plus profonde, dans les ténèbres, dans les gouffres. » Donc ça veut dire, on dit que c'est Yahvé qui a le pouvoir d'intervenir dans Sheol pour y déposer le mort. Donc on ne descend plus, c'est Yahvé qui dépose dans Sheol. Par contre, le verset précédent dit « Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont transpercés, couchés dans une tombe, à ceux dont tu perds le souvenir et qui sont séparés de ta main. » Donc là, vous avez encore l'ancienne conception. En Sheol, on est séparé de la main de Yahvé. Yahvé ne peut plus intervenir. Donc on est encore, on hésite encore, on hésite. Et puis au milieu du psaume, on a des questions. Faire à tout un miracle pour les morts, les Réphaïm, vont-ils se lever pour te célébrer ? Dans la tombe, va-t-on parler de ta loyauté et de ta fidélité dans le monde souterrain ? Question. Alors certains disent que c'est une question rhétorique avec la réponse non, mais ce n'est pas sûr. C'est peut-être vraiment une interrogation. Est-ce que Yahvé a ce pouvoir ou non ? Et un psaume plus récent donne la réponse, psaume 49, « Comme un troupeau, ils, c'est-à-dire ceux qui veulent du mal au psalmiste, sont mis dans Sheol, la mort en fait sa pâture. Leur beauté s'évanouit, le séjour de mort est leur résidence. Dieu rachètera mon âme de la main de Sheol, il me prendra. » On peut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire « il me prendra » Est-ce que ça veut dire « il me prendra au ciel » comme le pensent certains, ou est-ce que c'est simplement l'idée « il me fait revivre » Mais là, vous voyez, déjà, on a l'idée que Yahvé peut intervenir dans le domaine de Sheol. Et nous avons aussi des attestations archéologiques pour ce changement. Vous connaissez peut-être ces fameuses amulettes de Ketefinom. Donc, dans une tombe, on a trouvé des petites amulettes en argent très fin, roulé, qu'on donnait aux morts, on les enterrait avec les morts. Et ce qui est très très intéressant, on a sur ces amulettes cette bénédiction qu'on va retrouver dans la Bible d'ailleurs, que Yahvé te bénisse et te garde, que Yahvé fasse briller sa face sur toi et mette sur toi ta paix. Donc c'est le texte le plus ancien qui est ensuite intégré dans un texte biblique. Évidemment, de nouveau, les spécialistes ne sont pas du tout d'accord de quand il faut dater ce texte, 7e siècle, 6e, 5e, 4e. Bon. Disons, rien n'empêche de penser que c'est 7e, 6e siècle. Et on aurait là, donc, en fait, l'idée que lorsque on enterre quelqu'un, on met avec lui une bénédiction de la part de Yahvé. Donc ça veut dire en effet que ici Yahvé a le pouvoir de protéger les morts de toutes sortes de démons qui peuvent peupler les enfers. Donc là, vous avez une attestation extra-biblique de cette idée qui, petit à petit, va s'imposer que Yahvé peut en effet aussi montrer sa puissance dans le domaine de la mort. Alors, quand la mort arrive, que faut-il faire ? D'abord, comme jusqu'à aujourd'hui, le deuil. Le deuil, un moment important, évidemment, qui, comme pour la naissance et d'autres moments importants, le mariage marque des césures. Vous avez, par exemple, dans la Bible, les Israélites pleurent Moïse pendant 30 jours. Et il y a toutes sortes de rites qui vont accompagner le deuil. On déchire des vêtements, on porte des vêtements spéciaux, on jeûne, on s'arrache, on se coupe les cheveux, on se frappe la tête ou la poitrine, on se fait des incisions, toutes sortes de rites qu'on a appelés des Selbstminderungsriten, alors je ne sais pas très bien comment il faut traduire, des sortes de rites d'abaissement. On s'abaisse soi-même, donc pour sortir quelque part de la vie quotidienne ou pour se rendre presque un peu semblable à ceux qui sont morts, n'est-ce pas, qui sont exclus de la vie courante. Mais en même temps, à côté des rites plutôt qui ont cette connotation un peu morbide, il y a aussi ce qu'on appelle le pain de deuil, la coupe de réconfort qu'on offre à ceux qui sont en deuil. On a un résumé de tout ça dans un texte du livre de Jérémie, où justement on dit, dans un oracle de jugement, tout ce qu'on ne devrait pas faire, alors que ce qu'on normalement on fait, c'est-à-dire dans ce pays, les grands comme les petits mourront, ils ne seront pas ensevelis, alors que c'est très important. On n'entendra pas d'élégie, on ne fera ni incision ni tonsure, on ne rompra pas le pain et pour le réconforter. Donc on va tout cela, l'élégie, la lamentation évidemment aussi très important, c'est qu'avant tout le domaine des femmes, c'est probablement même une profession, les pleureuses. Vous avez une image, par exemple, sur le sarcophage de Achiram de Byblos. Vous voyez ici, donc, c'est... ces quatre personnages qui sont en fait quatre femmes se lamentant de la mort du roi. Et si vous regardez un peu les gestes, ça correspond assez à ce qui est dit dans la Bible. Tremblez-vous qui êtes confiants, déshabillez-vous, dénudez-vous, apparemment à moitié nu, mettez un pagne sur vos reins, on se lamente en se frappant la poitrine. Donc un peu ce que vous avez ici reproduit. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve, on a beaucoup de figurines aussi qui représentent ces pleureuses. Faites venir les pleureuses, qu'elles se hâtent, que sur nous s'élèvent leurs plaintes. Ou encore, dans les textes dont je vous ai déjà parlé, du livre de Coëlette, où les pleureuses, en fait, sont déjà là avant que la mort arrive. L'élégie, normalement, je vous ai dit, c'est une histoire de femme, à l'exception, justement, on vient d'en parler, de David et Jonathan, où c'est David lui-même qui entonne l'élégie, tout en faisant une différence. Il appelle les filles d'Israël ou de Jérusalem de se lamenter sur Saül, et lui-même, en fait, fait la lamentation sur Jonathan. Alors, l'enterrement est évidemment de toute première importance. L'importance du tombeau, évidemment, pensez au récit de l'achat du tombeau par Abraham, et ne pas être enterré, c'est la pire des malédictions, vraiment la pire des malédictions qui peut vous arriver. Des oracles contre le roi Joachim, son cadavre sera exposé à la chaleur du jour et au froid de la nuit, ou la horrible Jézabel, elle peut-être pas si horrible, mais dans l'idée des auteurs bibliques, n'est-ce pas, le cadavre de Jézabel deviendra du fumier. Donc ne pas être enterré, c'est vraiment la pire des choses qui peut vous arriver. C'est même une sorte de punition après la mort. Pourquoi c'est si important? On va le voir. Donc la culture des tombeaux est très très ancienne. À Jéricho, on a déjà des tombeaux du 6e millénaire, et puis maintenant, on fait depuis quelques temps des fouilles à Ein Gazal, qui est à côté de Amman, en Jordanie. On a aussi trouvé justement des tombeaux, alors soit sous les maisons, directement sous les maisons, hein, ou dans la cour, en fait, qui est formée par plusieurs maisons, comme vous l'avez ici. Au 1er millénaire, vous avez deux types de sépultures en Judée. Soit une grotte naturelle qu'on récupère où on met les morts, ou un ensemble creusé qui peut comporter plusieurs compartiments où on rassemble en fait les morts d'une famille ou d'un clan, parfois même avec des bancs comme ici où on pose peut-être d'abord de manière assise les défunts. Évidemment, comme dans beaucoup de cultures, les défunts sont souvent enterrés, presque toujours, avec des objets. Des armes, des ornements, des amulettes, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi des représentations de la déesse, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui se poursuit très, très longuement dans le livre des Deuxièmes Maccabées. On a encore ça à l'époque romaine, n'est-ce pas, où en effet, on veut enterrer quelqu'un pour relever le compte de ceux qui étaient tombés et les inhumer avec leurs proches. Ils trouvèrent sous la tunique de chacun des morts des objets consacrés. Bah, évidemment, l'auteur biblique n'aime pas ça, les idoles de Jamnia, etc., que la loi interdit aux Juifs. Donc, cet enterrement avec des objets est quelque chose de tout à fait courant et important. Et puisque, évidemment, on sait qu'on enterre les morts avec des choses qui sont souvent quand même d'une certaine valeur, on a un problème. Un problème des pilleurs de tombes. Et donc, il faut essayer de le décourager. Alors, on le décourage avec des inscriptions. Est-ce que ça sert à quelque chose? On ne le sait pas. Mais on a beaucoup d'inscriptions, comme ici, une inscription d'un prêtre d'un prêtre araméen du 7e siècle qui, en effet, parle à la première personne sur cette stèle. On le voit d'ailleurs un peu en figure royale, buvant. C'est assez intéressant, ce texte. D'abord, en effet, il remercie son Dieu et il dit « Il m'a donné une bonne renommée, il a prolongé mes jours. » C'est très biblique, en fait. « Il a prolongé mes jours. Au jour de ma mort, ma bouche a pu encore parler et j'ai vu de mes yeux la quatrième génération de ma descendance. » C'est un peu comme Moïse à la fin du Deutéronome, n'est-ce pas ? Et puis après, il dit justement « Ils m'ont pleuré, donc ma famille. » Ils ont placé près de moi aucun objet d'argent ni de bronze, rien d'autre, seulement moi. Alors évidemment, c'est pas le cas, n'est-ce pas ? Mais voilà. Puis après, il y a toutes sortes de divinités, Chacha, Nikal, Nusku, qui vont tomber sur celui qui aura la mauvaise idée de piller les tombes. Quelque chose de pareil, on a Kirbet Elkom, donc en Juda, le riche. Alors ça, c'est pas très malin, déjà, de dire le riche. Le riche Uriahu l'a fait écrire, n'est-ce pas ? Béni soit Uriahu par Yahvé, et par son Achéra de ses ennemis, il l'a sauvé. Mais c'est sans doute aussi avec la main, sorte de signe, ne touche pas à ma tombe, n'est-ce pas ? Donc, nouveau, en disant, voilà, il y a les deux dieux qui me protègent. Ce qui est très important aussi, ça va peut-être nous étonner, mais peut-être pas trop. C'est l'importance de garder intacts les ossements. Les ossements. Au Moyen-Âge, il y avait tout un culte. Vous avez des églises où on fait des collections d'ossements. Mais les ossements, en fait, sont en quelque sorte ce qui reste visible et touchable aussi des morts. Donc, en ce sens-là, on peut dire que le tombeau est vraiment un sarcophage, c'est-à-dire un dévoreur de chair, n'est-ce pas ? La chair va disparaître, mais les os vont rester, comme on l'a aussi dans cette inscription donc de Byblos, qui, justement, se trouve sur la tombe d'un Shiphit ou Shapat Baal, qui a fait de ce lieu de repos un sarcophage, donc tu n'ouvriras pas ce lieu pour mettre en colère ou pour troubler mes os. Il parle de ses os. Ou encore, dans la vallée de Sylvane, en face de Jérusalem, cette inscription sur le tombe d'un chancelier dont on ne connaît pas le nom, mais c'est un nom yahviste, quelqu'un de Yahou, n'est-ce pas ? Il n'y a ici ni de l'argent ni de l'or, seulement ses os et les os de sa servante. Ça, c'est aussi curieux, mais enfin... maudit l'homme qui ouvrirait ça. Donc l'idée, c'est de dire il n'y a en effet que les os. Et les os, c'est important en effet de les garder. On ne peut pas, on ne va pas détruire, on ne va pas détruire les os. L'intégrité des ossements est respectée, même pour les ennemis. C'est pour cela, dans le livre de Amos, les Moabites sont condamnés parce qu'ils ont brûlé les os du roi d'Édom. Ou encore cet oracle du jugement qui est un oracle justement pour dire les choses horribles qui peuvent arriver parce que vous avez été tellement rebelles. En ce jour, on va retirer de leur tombe les ossements des rois de Juda, les ossements des princes, etc. On les exposera au soleil, à la lune et à toute l'armée du ciel qu'ils ont aimé. On ne les réunira pas, on ne les ensevelira pas. Ils deviendront du fumier sur la terre. Donc ça, c'est aussi la punition après la mort, n'est-ce pas ? La destruction des os, c'est en quelque sorte vraiment la destruction de ce qui reste matériellement des morts sur la terre. Et aussi un autre texte qui est probablement le texte qui est à l'origine de l'enfer tel qu'on l'imagine après, dans le judaïsme à l'époque des premiers chrétiens aussi, un endroit où il y a quoi ? Où il y a le ver, où il y a le feu, il y a des tortures, etc. Ça vient probablement de ce texte, en fait, de la fin du livre d'Ésaïe. Et quand ils sortiront, ils pourravent les cadavres des hommes qui se sont révoltés contre moi, car leur ver ne mourra pas et leur feu ne s'éteindra pas. Ils seront pour tous un sujet d'horreur. C'est-à-dire, le ver qui a déjà dévoré la chair va maintenant s'attaquer également aux os, qui en plus seront brûlés par le feu. Donc c'est la pire des choses qui peut arriver. Et une certaine lecture a fait de ce texte un peu l'origine des enfers, qu'on n'imagine pas comme ça, évidemment, dans la Bible hébraïque. Donc, l'intégrité des ossements est fondamentale, et puis on va le voir un peu plus tard, plutôt la semaine prochaine. Peut-être juste encore quelques minutes sur la question de la relation entre les morts et les vivants après l'enterrement, c'est-à-dire le culte des morts. On fait des offrandes aux morts, hein, jusqu'à l'époque hellénistique, comme le montre le livre de Tobit. Répand ton pain sur le tombeau des justes, mais donne pas pour les pécheurs. Donc encore à l'époque hellénistique, on fait des offrandes sur les tombeaux. Ils ont mangé les sacrifices des morts. Et un texte de nouveau qui dénonce certaines pratiques, mais en dénonçant ces pratiques, on montre que ces pratiques existent. Ils se tiennent dans des sépulcres, ils passent la nuit dans des grottes, ils mangent de la viande de porc, et leurs plats ne sont que brouillés d'ordures. Ils disent « Prends garde à toi, ne m'approche pas, car je te rendrai saint. » Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, en effet, il y a un culte autour des tombeaux où on sacrifie des cochons, des porcs. Hein, probablement lié au fait que le porc est un animal chtonien, sacrifié en honneur des défunts, comme on va avec cette affreuse Lamashtu, ce démon Lamashtu, qui ici, vous voyez, allait en fait un porc qui donc est apparemment aussi une réalité encore en Judée à l'époque perse, ce culte des morts encore à l'époque perse. On a aussi apparemment des banquets en honneur des morts qu'on appelle Marzeach dans la Bible ou Marsichou à Ougarit. Il y a toute une discussion de savoir ce que c'est vraiment ce Marsichou, une sorte de banquet. Est-ce que c'est toujours la même chose? Mais le texte de Jérémie 16 montre clairement, au moins pour ce texte-là, que c'est lié en fait avec un rite funéraire. N'entre pas dans la maison du Marzeach. On rompra pas le pain pour consoler celui qui porte le deuil, etc. Donc, on a là l'impression, en effet, qu'il y a des banquets funéraires en honneur des morts, comme d'ailleurs on le fait d'une certaine manière jusqu'à aujourd'hui. Et puis, dernière chose que j'aimerais encore mentionner aujourd'hui, les teraphims. Qu'est-ce que c'est les teraphims? Les teraphims, c'est toujours au pluriel dans la Bible, mais en fait, c'est une statue, souvent. Donc, c'est pour cela que la Septante traduit par eidolon ou par gluptos. Et c'est lié à ce rephaïm, à la racine. Donc, je vous ai parlé déjà des rephaïm, des teraphim. C'est la même chose, R-P-Alef, donc, qui représentent apparemment, qui sont des statues ou des statuettes qui représentent les ancêtres défunts. Ils peuvent être comparés d'une certaine manière à des pénates ou à des divinités vénérées dans le cadre familial. D'ailleurs, en deux textes, on va comparer, on va mettre en parallèle teraphim et Elohim. Donc, des teraphim, ce sont des Elohim, ce sont des dieux, des divinités. Alors, comment il faut les imaginer? Est-ce qu'ils sont grands? Est-ce qu'ils sont petits? Apparemment, les deux, parce que vous avez des récits assez loufoques dans la Bible. En 1 Samuel 19, c'est de nouveau l'histoire de David pourchassé par Saül. Maintenant, c'est sa femme Michal qui va le sauver. Qu'est-ce qu'elle fait? On raconte qu'elle met un teraphim dans le lit, parce qu'elle dit « David ne peut pas sortir, il est malade ». Et elle met un teraphim dans le lit, hein, qu'il déguise un peu avec je ne sais plus quoi, avec quel poil. Et donc là, on a l'impression que teraphim est aussi grand en fait qu'un humain, puisqu'il tient lieu à David. Et puis, en Genèse 31, lorsque Laban, ou Jacob part de son oncle Laban, Rachel amène les teraphims de son père qu'elle cache. Disons, elle s'assit dessus, hein, donc du coup, elle cache en fait sous ses vêtements. Donc, ça peut pas être aussi grand que ça, mais c'est probablement là plutôt des statuettes. Des statuettes que, on dit, Josias fait disparaître avec ceux qui invoquent les ancêtres des fans, etc., et les théraphimes. Mais apparemment, on voit très bien qu'on peut consulter les théraphimes. On peut le consulter, comme le dit ce texte d'Ézéchiel. Le roi de Babylone s'est placé au carrefour, il secoue les flèches, donc ça c'est une manière de faire la divination, il secoue les flèches, il interroge les théraphimes et il examine le foie. Donc ça, on connaît bien des Babyloniens. Ou encore, Zacharie, les paroles des théraphimes sont malfaisantes. Donc, apparemment, on sait les faire parler. Et dans ce contexte-là, il faut peut-être repenser une traduction qui n'est peut-être pas tout à fait juste dans ce qu'on appelle le Code d'Alliance. Le Code d'Alliance, c'est le premier code législatif dans le livre de l'Exode où les questions d'un esclave qui ne veut pas être libéré mais qui veut rester auprès de son maître. Je ne sais pas si vous connaissez cette loi. Alors, si on le fait dans cette perspective-là, je vous propose plutôt de le traduire comme ça. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes fils, et je ne veux pas sortir libre », alors son maître le fera approcher, non pas de Dieu, mais de l'Élohim. Il le fera approcher de la porte du montant. Son maître lui percera l'oreille et il sera son esclave pour toujours. Ici, l'Élohim, à mon avis, ce n'est pas Dieu, Yahvé ou autre chose, c'est ce Dieu de l'ancêtre. C'est justement ce théraphim qui se trouve à l'entrée de la porte. Et c'est en face de lui, puisqu'on intègre quelqu'un dans le clan, dans la famille, c'est en face de cet ancêtre divinisé qu'on fait ce rituel. Ce qui d'ailleurs peut être aussi confirmé par ce texte d'Ésaïe. Derrière la porte et le montant, Mezouza, ça donnera après autre chose, tu as installé ton mémorial, ta stèle, ta statue. Donc là, on a apparemment des allusions qu'il y avait un objet de culte familial qui était sans doute une statue d'ancêtre. Et dernier texte, et après je vous laisse pour aujourd'hui, dernier texte dans ce cadre-là que vous connaissez tous, c'est l'histoire de la sorcière de Endor. En fait, ce n'est pas une sorcière. C'est une spécialiste de la nécromancie qui sait faire parler les morts. Qui sait faire parler les morts. Et Saül, en effet, va la voir. Vous connaissez l'histoire, sinon relisez 1 Samuel 28. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend, en effet, qu'on peut faire sortir les morts. Parce que ce qu'elle fait, ça marche. Ça marche. Elle fait sortir ce que Saül a demandé. Elle fait monter Samuel. Et Samuel, il est décrit comme un vieillard qui monte, enveloppé d'un manteau, mais surtout, il est dit, je vois un Élohim qui sort de la terre. Donc le Samuel mort est un Élohim. Peut-être, en effet, là derrière, c'est l'idée qu'il y avait une statue de ce Samuel, n'est-ce pas, qu'on fait sortir de la terre pour qu'il parle. Donc vous avez, en effet, là, cette idée qu'il y a des êtres, des nécromanciens, des nécromanciennes qui ont le pouvoir de faire parler l'esprit des défunts, qui sont appelés d'ailleurs ceux qui savent, ceux qui connaissent, et le défunt peut être appelé Elohim, comme les théraphimes. Voilà la manière traditionnelle de voir le rapport à la mort. Et tout cela va changer, grosso modo, à l'époque perse, où on va redéfinir tout. Et ça, on le verra la semaine prochaine, où on ira aussi un peu au-delà de la mort. Je vous signale déjà, vous allez trouver, en sortant des prospectus pour le colloque, alors sur, parce que c'est un peu lié à notre sujet, sur la colère et les repentirs, ou le repentir des dieux, qui aura lieu donc le 24 et 25 avril, ici même. Donc vous avez le programme en sortant. Ne vous précipitez pas, je crois, suffisamment. Autrement, c'est aussi disponible par ailleurs. Alors on se retrouve la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.